Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Alain Vadeboncœur nous présente le portrait de son père, Pierre Vadeboncœur. J'appartenais à l'école de Cité Libre et j'étais fermement antinationaliste parce que qu'est-ce qu'il y avait comme pensée nationaliste à l'époque? C'était quoi? C'était Duplessis. Pierre Vadeboncœur à l'émission Book Club en 1973, de farouche opposant au nationalisme conservateur de Maurice Duplessis à l'époque où il écrit dans les pages de Cité Libre, Pierre Vadeboncœur va devenir par la suite un fier partisan du projet d'indépendance du Québec. Homme d'action, l'action syndicale essentiellement, et homme d'écriture, Pierre Vadeboncœur figure parmi les bâtisseurs du Québec de la modernité. M. Vadeboncœur, est-ce que vous avez l'impression de vous réaliser plus pleinement en écrivant que dans votre action syndicale? Bien, les deux sont un peu mêlés, mais je me pense moi-même, à tort ou à raison, plus écrivain comme d'action. C'est là-dedans, je pense, que je puis donner davantage. Est-ce que vous avez jusqu'ici tenté de toucher à d'autres genres d'expression littéraire que l'essai ou... Ben, quand j'avais 20 ans, j'ai fait de la poésie, mais j'ai abandonné quand j'avais 21 ans. Parce que c'était pas satisfaisant. Oui. Est-ce que vous avez touché, par exemple, au roman ou à la nouvelle ou au Non, j'ai déjà essayé, parfois, mais je ne crois pas être fait pour la littérature dite d'imagination. Extrait d'une entrevue de Claude Pichet avec Pierre Vadeboncœur à l'émission Présent en 1965 pour faire le portrait de Pierre Vadeboncœur, son fils, l'urgentologue, auteur, chroniqueur médical Alain Vadeboncœur. Alain Vadeboncœur, bonjour. Oui, bonjour, Jean. Il est intéressant, le cas de votre père, effectivement. C'est un homme d'action, l'action syndicale essentiellement. C'est un homme d'idées, un homme d'écriture aussi. Pour vous, vous l'avez entendu, lui se dit d'abord écrivain. Pour vous, lequel de ces deux aspects de la personnalité prend le dessus? Ben, je pense que mon père a été beaucoup dans l'action, notamment dans l'action syndicale et je dirais le militantisme. Mais je pense que les idées précèdent toujours dans l'action, mènent à l'action, je dirais. Et je pense qu'il a souvent beaucoup écrit ce qu'il allait faire et ce que, par exemple, le syndicalisme allait devenir. Et il l'a fait ensuite. Donc, je pense que c'est d'abord un homme d'idées, un homme d'écriture surtout, il se définit comme ça, qui mène à une action qui est sociale, militante, syndicale. Dans différentes sphères. Donc, il se dit, lui, d'abord et avant tout, homme d'idées, écrivain. En même temps, il refuse l'étiquette d'intellectuel. Ouais. Il y a comme une contradiction apparente. En tout cas, pourquoi? Ben, je pense que le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est sa relation avec Gérard Pelletier à Cité Libre. Gérard Pelletier, apparemment, le critiquait beaucoup. Ce que ma mère n'aimait pas du tout, d'ailleurs, parce qu'elle assistait à ces réunions-là. Et donc, il le critiquait beaucoup, justement parce que il mettait pas de référence, il ne le citait pas dans ses textes. D'ailleurs, mon père ne cite presque jamais dans ses textes. Il évoque, il se réfère à des auteurs, et il n'aimait pas de notes de bas de page. Donc, il n'avait pas de méthode, qu'on pourrait dire, intellectuelle, et c'était un écrivain intuitif, il se définissait comme ça. Il n'y avait pas de plan. Il travaillait ses livres sans aucun plan. Il allait là où le menait l'écriture. Donc, c'était la jonction entre la pure création, si on veut, et l'essai d'idées. Mais il se méfiait jusqu'à un certain point des méthodes. Il n'aimait pas les méthodes. Ouais. Et il se méfiait dans la même mesure d'un certain intellectuel. Ce qui explique donc qu'il ne se voit pas intellectuel. Il voit bien qu'il n'y a pas cette démarche typique de l'intellectuel. Ouais. Il va quand même parfois être très critique des intellectuels. Je pense à ce contexte pré-référendaire, juste avant le premier référendum sur la souveraineté de 1980. Il va critiquer les intellectuels, leur passivité, leur silence. Vous ne vous engagez pas. En gros, c'est ce qu'il va dire. Comment il conçoit le rôle de l'intellectuel? Ben, probablement comme un intellectuel engagé. Donc, dans ses écrits sur la place publique, je pense qu'il se méfie un peu des gens qui restent très en retrait de la société, qui commentent et qui ne s'impliquent pas. Lui, c'est toujours beaucoup impliqué. Et donc, intellectuel engagé serait un terme probablement qui lui conviendrait. Ouais. Critique d'ailleurs à l'endroit de ce qu'il appelle les intellectuels d'État, le confort de certains intellectuels d'État. Oui, parce qu'il remettait toujours beaucoup les choses en question. Il avait une pensée quand même, je dirais, assez révolutionnaire pour l'époque, comme d'autres là, autour de lui. Mais effectivement, il remettait toujours les choses en question. Ouais. Je pense que c'était même sa façon fondamentale de traiter des sujets et de la réalité en général. Revenons un petit peu au parcours de votre père, en commençant par les origines. Il fait partie de la bonne société bourgeoise d'Outremont. Oui, on pourrait dire même la haute bourgeoisie. Son père, en 1920, est pharmacien, pharmacien prospère. C'est le président de l'ordre des pharmaciens, même. Et donc, bon, son père va faire faillite en 36, mais mon père naît à Outremont. Comme Michel Chartrand, d'ailleurs, qui va être son compagnon d'armes assez longtemps. Et je dirais que ce qui reste de ça, c'est sa rupture avec son milieu. Rupture avec, bon, son père était très rouge, très libéral. Il voulait que Pierre fasse son droit. Lui, l'a fait, mais se révoltait contre ça. Donc, il s'est révolté contre ce milieu-là. Il a été rejeté un peu par ce milieu-là aussi. Mais il demeure que mon père, à partir de 63 jusqu'à la fin de sa vie, a vécu à Outremont, essentiellement. Je pense que la seule chose qu'il a jamais... qu'il a gardé, si on veut, contre la bourgeoisie, c'est qu'on n'a jamais eu de lave-vaisselle chez nous. Donc, il faisait de la vaisselle à la main. Apparemment, il la faisait moins souvent qu'il s'en vantait, mais selon ma mère, toujours. Mais disons qu'il y a eu une vie quand même de bourgeois à l'époque où, à Outremont, on pouvait vivre quand même avec un revenu modeste. Ouais. Mais c'était ses origines et ça a été sa vie quand même. Ouais. Mais il ne s'associait plus, même si son mode de vie, au fond, n'était pas si loin, était proche de celui d'un bourgeois, dans sa tête. Il y avait eu une rupture avec ce milieu-là, se tournant davantage vers, puis c'est l'action syndicale qui va venir, vers la défense des travailleurs, absolument, des sans-voix. Qu'est-ce qui fait qu'il prend ce virage-là à un moment donné? Mais mon père a une période dans la vingtaine où il est, je dirais, un peu perdu, peut-être déprimé. En fait, il le décrit un peu comme ça. Et il erre un peu. Il veut être écrivain. Son père en a fait un avocat. Hein, et il veut faire d'autres choses. Et vers la fin donc des années 40, là, quand il a près de 30 ans, donc en 1950, il va vraiment s'intéresser au monde syndical. Et là, il va devenir conseiller syndical. Il va prendre des petites causes. À une époque où, vraiment, les syndicats, c'est la bataille pour la reconnaissance du droit à la syndicalisation, pour lutter contre des conditions de travail qui sont terribles, pour lutter aussi contre ce qui est le capital, qui est très anglophone à ce moment-là, d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui va le mener à l'action. Donc on parle du début des années 50. Et dès le début, assez tôt, d'ailleurs, il y a toute une pensée sociale qui veut, si on veut, implanter dans le syndicalisme. Là, il va travailler là-dessus longtemps. Mais ça passe vraiment en 1950-51. Ouais. Vous avez parlé de Michel Chartrand. Ouais. Ce sera effectivement un compagnon d'armes. Ils vont se fréquenter. Là, vous voyez ça, vous jeunes gamins. On se visite. Oui, mais on visitait beaucoup Michel Chartrand. Michel Chartrand est mon parrain, en fait. Donc, ça a été deux grands amis. On l'a visité beaucoup. Michel venait aussi chez nous. C'était une période assez effervescente. Moi, je suis né en 63 quand même. Mon père avait déjà 43 ans. Là. C'est assez loin dans son histoire. Et donc, les années 60-70, ça a été quand même assez intense. Il y a évidemment toute la Révolution tranquille, mais tout le mouvement syndical qui est en ébullition. Ouais. En 63, donc, mon père travaille au Milan Saint-Denis. Moi, j'y vois assez souvent. C'est un milieu aussi, bon, on habite à ce moment-là sur la rue Bloomfield à Outremont. Et là, qui y a autour? Bien, il y a Louis Martin, notre voisin. Il y a Michel Lalonde à quelques rues, la rue Kerb. C'est très nationaliste à cette époque-là. Il y a Diane Dufresne pas loin, Marcel Ferron. C'est un milieu intellectuel en ébullition. Ouais. Et tout ce monde-là va et vient. Comment, quand on est encore gamin, ça veut dire quoi, toute cette ébullition? Vous êtes là dans la maison, ça veut dire quoi concrètement être le fils de Pierre Vadeboncœur à ce moment-là? J'ai toujours une très bonne relation avec mon père, mais ça veut dire que dans la maison, il y a des gens qui viennent. Gaston Miron venait de temps en temps, René Lévesque est déjà venu. Louis Martin, par exemple, moi, Alexis Martin était mon grand ami. Ouais. On côtoyait des gens qui étaient en fait au cœur de l'action sociale et politique. Et c'est très... Bon, la rue Kerb, par exemple, c'est une rue où la fête de la Saint-Jean se fêtait. C'était très nationaliste, c'était très souverainiste. Et toute cette ébullition-là, on la vivait au quotidien. Moi, j'avais quoi? 7 ans, 10 ans, 15 ans là-dedans. Et ça va finir par faire son chemin dans la tête de votre père. Il va, d'une certaine façon, être un peu contaminé par ce milieu ambiant. On va y revenir, mais il deviendra, on l'a dit d'entrée de jeu, de fédéraliste. Il deviendra souverainiste convaincu. Mais parlons justement du moment où il est à Cité Libre. Ouais. À ce moment-là, le passage n'est pas encore fait. L'une des batailles de Cité Libre, c'est de combattre un nationalisme étroit, fermé, et aussi, bien sûr, l'incarnation de ce nationalisme. Là, le régime de Maurice Duplessis. On écoute Pierre Vadeboncœur donc parler du duplessisme, la façon dont il voit ce régime à l'émission L'Histoire comme ils l'ont faite en janvier 67. Pour moi, Duplessis, c'est un malheur qui a duré 30 ans. À mon avis, le régime Duplessis a dégagé ou permis de s'exprimer trois genres de forces. D'abord, les profiteurs du pouvoir, les nouveaux riches, ceux qui achetaient des contrats, ceux qui achetaient des votes. Deuxièmement, tout ce qu'il y avait d'éteignoir et de tartuffe dans la province du Québec. qui cherchait à maintenir la province dans l'état où elle se trouvait vers la fin du 19e siècle. Et troisièmement, il a donné une chance considérable à un capitalisme que je considère comme éhonté, celui qui était décidé à s'emparer du sol et du sous-sol absolument à vil prix, ainsi qu'à bousculer les travailleurs, comme on l'a vu par exemple à Asbestos, à Murdochville, à Louisville, où il y a eu des grèves sanglantes à cause des forces policières que le régime avait lâchées contre les travailleurs. Mais en somme, ça, c'est la manifestation la plus éclatante du régime du Plessis, la plus significative. Alors, cet engagement de votre père, Alain Vadeboncœur, à Cité Libre, est-ce que c'est d'abord et avant tout cette lutte contre le régime de Maurice Duplessis? Ben, c'est clairement, puis je pense qu'il y a le sens de la formule, hein, 30 ans de malheur avec Duplessis, mais je pense qu'il décrit à la fois l'aspect social, donc l'impact sur les travailleurs, le rôle du capital dans tout ça, et le Québec lui-même, oui. Hein, qui est étouffé. Oui, c'est directement ça, j'ai l'impression. Oui. Une des autres cibles qui sera très, très présente dans cette action de Cité Libre, c'est le cléricalisme. Les gens de Cité Libre seront assez clairement anticlérical. Où est-ce qu'il loge votre père sur ces questions-là? C'est assez complexe, cette question-là, chez mon père. Là. Toute la notion de la croyance et de la relation avec la religion, en fait. Il a marié une femme qui vient de milieu assez anticlérical, on pourrait le dire comme ça, qui d'ailleurs trouvait, qui était franco-ontarienne, trouvait le Québec assez étouffant. Ouais. Avec elle, mon père se moquait souvent du clergé. Il avait plutôt un discours critique. Mais là, on est en train de découvrir la correspondance qu'il avait avec Trudeau quand il était jeune, dans les années 40, la fin des années 40 essentiellement. Et on voit une pensée très, très chrétienne jusqu'à un certain point, mais d'un christianisme qui vise à sauver le monde, renouveler le monde. En fait, c'est très idéaliste en même temps, très social. Puis mon père est aussi très influencé par les jésuites. Hein. Il a été à l'école avec les jésuites. Il y a des professeurs qui l'ont marqué, donc comme le père d'Anjou, avec qui il va correspondre très longtemps. Le côté humaniste le côté social jusqu'à un certain point. Sur la croyance, ben, c'est plus difficile. Je pense que c'est une espèce de croyance sans église. On n'a jamais su exactement où il logeait à ce niveau-là, mais il va développer ça beaucoup plus tard dans son écriture, en tout cas. Bon, Cité Libre, évidemment, c'est aussi cette figure, la figure de Pierre-Éliott Trudeau. Ouais. Pierre Vadeboncœur, votre père, et Pierre Trudeau vont vraiment être des amis d'enfance. Leur relation, il faut le dire, va connaître des hauts et des bas. On va y revenir dans quelques minutes. Mais on écoute d'abord Pierre-Éliott Trudeau parler de votre père à l'émission « Les héros de mon enfance » diffusée en 1968. C'était un... Si je peux me permettre de le dire, peut-être il était un peu un petit coq... Très fier, très décisif dans le geste, dans la parole. Il était peut-être un peu plus petit de taille parce qu'il était, je pense, une année plus jeune que la plupart des autres de sa classe. Alors il compensait par cette grande affirmation qu'il faisait de lui-même et de sa personnalité. Je me souviens que, et vous verrez, c'est peut-être encore dans le caractère de Pierre, on avait été puni à un moment donné, la classe, parce que on avait fait je ne sais quel mauvais coup. Alors le professeur avait décidé de pas nous distribuer ce qui s'appelait à ce moment-là l'argent scolaire, enfin des espèces de primes qu'on donnait aux bons élèves. Alors Pierre avait écrit au tableau « L'argent scolaire ou la révolte ». Il avait fait des discours à l'emporte-pièce. Non, c'était un type dès ce moment-là, extrêmement intelligent, extrêmement indépendant d'esprit. Qu'est-ce que ça vous fait, Alain Vadeboncœur, d'entendre ça? C'est très drôle. Et c'est en 68 quand même. Hein? Et la rupture a eu lieu quand même. Et je pense qu'on sent ça un peu peut-être dans la distance. Parce que dans le fond, en fait, mon père et Trudeau ont fait toute leur scolarité ensemble. On part du primaire, là, à l'académicaire d'ailleurs, à Outremont, jusqu'à la fin du droit. Hein? Donc, et après ça, ils ont correspondu. On a une immense correspondance qu'on est en train de regarder. Dans ça, il dit dans une lettre en 70... à Trudeau, tu as été ma plus grande amitié. Et ils ont été très, très près là, l'un de l'autre. Et je dirais que c'est fascinant parce que ça résume un peu l'histoire du Québec. Là. Oui. Les deux sont un peu antinationalistes au départ, assez clairement. Trudeau va continuer dans cette voie-là, clairement. Mais c'est une rupture parce qu'ils travaillent ensemble dans les années 50. Là, Cité Libre et la CSN même, où Trudeau a fait des contrats. Et dans les années 60, ben, mon père devient souverainiste. Ouais. Trudeau continue sur sa voie. Et c'est une rupture entre deux très, très grands amis. Ils vont continuer à s'écrire. Mais mon père le vit comme une trahison. Hein. Quand les trois colombes quittent pour Ottawa, notamment avec Jean Marchand, qui l'admirait énormément, qui avait été président de la CSN dans les années 60. Et donc, c'est cette rupture-là qui est consommée. Et malgré tout, ils vont continuer à correspondre de loin en loin. On sent qu'ils gardent un contact. Ils vont même renouer plus tard. Mais c'est l'histoire du Québec, ça. C'est deux voix chez deux intellectuels qui prennent des voies différentes et dans l'action et dans la réalité. Et c'est l'histoire du Québec parce qu'effectivement, il y a une bonne partie du Québec qui va, dans l'élan de la Révolution tranquille, continuer de croire au Canada. Et une autre partie qui va dire non, il faut faire du Québec un pays. Et donc, effectivement, cette grande rupture, il y a toute une partie du Québec qui la vit aussi. Comment, pour votre père... qu'est-ce qui est décisif dans sa décision, dans ce passage qu'il fera de l'antinationaliste qu'il était au souverainiste québécois? J'ai dû vérifier auprès de Jonathan Livernois, qui a travaillé sur son père, qui a fait sa thèse. Et en fait, c'est d'abord des considérations sociales là, qui lui avaient fait rejeter le nationalisme à l'époque, là, qui vont le diriger vers ça. Et il décrit donc, mon père, un passage à Baie-Comeau, donc en 60, et c'est, puis là je le cite, le spectacle de milliers d'ouvriers prisonniers du capital étranger, comme des syndicats étrangers qui cherchent violemment à se libérer. Et ça, c'est un peu un point tournant. Et là, il va devenir souverainiste. Et comme conséquence du fait que la souveraineté est le moyen d'action pour libérer à la fois socialement et politiquement, si on veut, le Québec. Mais c'est l'homme de gauche, au fond, qui se dit la seule façon d'amener plus de... C'est ce que je comprends, là, d'amener plus de justice sociale, c'est pour le Québec, ça sera la souveraineté, ce sera le pays. C'est un peu ça. Et pas seulement du point de vue de la justice sociale, du point de vue de l'existence de la culture québécoise, de la langue française graduellement, tout ça devient, dans le fond, enjeu. Et pour lui, la solution, et ses écrits le montrent très clairement, il n'y a qu'une solution. Pour demeurer dans l'histoire, s'inscrire dans l'histoire, c'est la souveraineté. Se défaire du colonialisme canadien et étranger. Là, je reviens à cet exemple de la Côte-Nord. Ils vont se retrouver, ces deux hommes, votre père et Pierre-Éliott Trudeau. Dans quelles circonstances? Comment ça va se faire? Ben, en fait, les deux donc sont à Brébeuf, jeunes, et plus tard, il y a le conventum de Brébeuf. C'est Roger Roland, en fait, qui est un ami commun, qui va les réunir donc à la fin, au milieu des années 90 à peu près, par un dîner, simplement. Et ça fait quand même 25 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ils ont continué à s'écrire un peu. On a quelques lettres là-dedans, très tendues d'ailleurs, les lettres. Mais bon, ils se réunissent, ils se revoient. Ce sont des hommes âgés et ils vont prendre du temps ensemble, ils vont dîner, ils vont se rencontrer quelques fois avant le décès de Trudeau, là, je pense que c'était en 2000. Et avec plaisir, apparemment, parce que c'était quand même presque 20 ans de vie commune qu'ils avaient eu comme jeunes adolescents et adultes. Et donc, c'était quelque chose d'assez profond, leur relation. Alors, si Pierre Vadeboncœur est ami de Pierre-Éliott Trudeau, avec les hauts et les bas qu'on vient de décrire, il aura aussi des liens avec René Lévesque. On le comprend bien avec le virage politique qu'il va faire. Lien avec René Lévesque. Il va prendre position, d'ailleurs, juste avant le référendum sur la souveraineté de 1980. On l'écoute à l'émission « Des livres et des hommes » en novembre 1978, justement. Je pense, moi, que le peuple québécois devient tout simplement une minorité affaissée, déculturée, dans un état de décomposition, avec tout ce que ça entraîne. La solution, c'est la souveraineté pour vous. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune espèce de possibilité pour le peuple québécois de se tirer de l'impasse historique dans laquelle il se trouve, à moins qu'il dispose des pouvoirs souverains. Quitte ce que veut faire le Parti québécois, et ce avec quoi je suis d'accord, quitte, en tant qu'État souverain, à négocier des ententes, économiques, des ententes, une sorte de marché commun, ou ce que vous voulez. Alors, Alain Vadeboncœur, concrètement, quel va être le rapport de votre père au Parti québécois, à René Lévesque? Ben, à René Lévesque, c'est très clair. René Lévesque est une des personnes qu'il a le plus admiré comme homme politique, comme dans son action, dans son intelligence, sa capacité de synthèse. Pour lui, c'est l'homme politique idéal. Il le suit là-dessus. Ils se connaissent. D'ailleurs, c'est René Lévesque qui lui remet le prix David en 76. Quand tout de suite après l'élection de 76, d'ailleurs, c'est là que j'avais dit à l'évêque d'arrêter de fumer. Je faisais des campagnes anti-tabac à l'époque. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Non, manifestement pas. Et l'évêque l'estimait beaucoup. Oui. Il a écrit sur lui. Il a même essayé de l'attirer en politique plusieurs fois, mais mon père se voyait pas là. Donc, avec l'évêque, c'est très clair. C'est vraiment une admiration là, complète face à son action. Face au PQ, il a adhéré. En fait, j'ai découvert ça récemment, assez tardivement, en 75. Il voyait... En 75, quand il prend sa retraite des syndicats, il voyait le PQ comme le seul véhicule capable de réaliser ce qu'il jugeait essentiel pour le Québec, c'est-à-dire la souveraineté. Vers la fin de sa vie, il était très critique de l'émergence de partis comme Québec solidaire, par exemple, parce que, non pas parce qu'il n'était pas d'accord avec les valeurs de Québec solidaire, mais essentiellement parce qu'il voyait ça comme une dilution du rapport de force. Et de la capacité politique du Québec. C'est ça qu'il jugeait sévèrement dans ça. Et donc, il le voyait comme essentiel. Il a toujours été membre du PQ parce qu'il disait qu'on ne pouvait pas trahir ça, même s'il était devenu, vers la fin de sa vie, assez pessimiste là, sur la question nationale de façon assez évidente. Là. Le temps file, Alain Vadeboncœur. On va terminer cette émission sur une note un peu plus personnelle. Oui. D'abord, en disant un mot de l'amoureux, de Pierre Vadeboncœur, l'amoureux, et de cette formidable histoire d'amour qui va durer quoi? 60 ans? 60 ans, en fait, avec ma mère, qui est une franco-ontarienne, très, très, je dirais, avant-gardiste à son époque, très active, qui s'intéresse à plein de choses. Et d'ailleurs, qui a découvert le Québec et qui trouvait le Québec très étouffant au départ quand il vient ici. Donc, ma mère va jouer un rôle assez fondamental dans tout ça. Je pense, d'abord, mon père, quand il est jeune, il est assez troublé. Il est tiré de ça, je pense, par ma mère. En 75, quand il prend sa retraite, mon père, son rêve, c'est de devenir écrivain. À temps plein. Oui. Faire seulement ça. Et ma mère va lui permettre ça en ayant commencé à travailler, en fait, à temps plein elle-même. Et donc, elle va lui permettre de se consacrer complètement à l'écriture. Ça a été très fructueux parce que dans cette période-là, il écrit une vingtaine de livres là, de tout acabit. Donc, ma mère va jouer un rôle très important pour lui dans tous les aspects. Ils vont être très près l'un de l'autre jusqu'à la fin de sa vie. L'héritage de votre père, bien sûr, vous êtes son fils, ça vous place dans une drôle de situation, mais qu'est-ce qu'il nous laisse comme Québécois sur le plan de la pensée, sur le plan de l'action syndicale? Ben, je pense que c'est assez clair. Je pense qu'il a fondé plusieurs choses. Le syndicalisme engagé socialement de la CSN, c'est pas mal lui qui a fait ça. Du point de vue de l'essai, du point de vue de la littérature, je pense qu'on le considère comme un essayiste qui a placé les marques de l'essai au Québec. Et évidemment, je pense qu'il a aidé beaucoup de gens à donner un peu une structure à leur souverainisme, à leur indépendantisme, en montrant la voie, en donnant l'explication et en indiquant où est-ce qu'il fallait aller et pourquoi. Et je pense que de ce sens-là, ça a été un homme assez fondateur dans plusieurs aspects de notre société, et tant mieux. Alain Vadeboncœur, c'était fascinant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de nous présenter votre père, Pierre Vadeboncœur. Merci beaucoup. Un plaisir, Jacques. Merci beaucoup à vous. Alain Vadeboncœur, urgentologue, auteur, chroniqueur médical. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.